Miss Chagrin de Constance Fenimore Wilson. Je dois l'avouer, je suis assez content de moi. Et à part les vrais, peut-il en être autrement quand on se sent jeune, riche, de bonne santé, de bonne mine, et qu'on ajoute à ces bases solides du bonheur le relief brillant que donnent les succès littéraires? Ces succès, je les mérite, je crois, car je les ai gagnés par mon travail. Mais il est si rare de se voir rendre justice. Je me trouve donc fort satisfait de mon sort. J'ai les relations les plus étendues, les plus distinguées, et bien que je sois fort aise de mon renom littéraire, je dissimule ma joie sous un air de parfaite indifférence. Un jeune homme dont la modestie égale le talent et qui écrit de si jolies études sur le grand monde, voilà ce qu'on dit de moi, je le sais, et je jouis de ma réputation. Il y a un an, j'étais à Rome. Le genre de vie que j'y menais me plaisait extrêmement. J'avais rencontré beaucoup de personnes de connaissance, des Anglais, des Américains, et il ne se passait pas de jour que je ne reçusse quelque invitation, ce qui n'a rien de surprenant. Rencontrer un homme de lettres bien élevé, bien mis, doué d'une jolie fortune, respectant toutes les lois du monde, tous les devoirs de société, n'est pas chose si commune qu'on ne s'empresse de l'inviter. En rentrant un soir, j'appris de mon domestique Simpson qu'une personne était venue me demander dans l'après-midi. Elle n'avait pas laissé de carte, mais simplement donné son nom, Miss Chagrin. « Non, non, pas de chagrin ici, » m'écriai-je, et je m'assis sur mon petit balcon pour fumer un dernier cigare, et aussi pour penser à Etheline de Abercrombie, charmante jeune fille. J'avais passé dans sa famille, ces jours derniers, plusieurs soirées fort agréables. Le lendemain eut lieu une partie de plaisir, une excursion aux ruines. Je ne rentrais chez moi que fort tard. Simpson me dit que Miss Chagrin était revenue. « Elle a donc l'intention de venir obstinément ?»« Oui, monsieur, elle reviendra demain. »« Quel air a-t-elle »« Elle a l'air d'une personne comme il faut, monsieur, d'une dame, mais qui a dû être dans une situation meilleure autrefois. »« Jeune ?» demandai-je. « Non, monsieur. »« Seule ?»« Non, monsieur. Elle a avec elle d'une servante. » Je retournai sur mon petit balcon et j'oubliai de nouveau Miss Chagrin. « Que n'oublierait-on pas au clair de lune en se représentant un doux visage comme celui d'Ethelinde ?» L'étrangère vint une troisième fois, puis resta deux jours sans paraître, puis revint. De ces visites résultait, chaque fois que je rentrais, le dialogue suivant entre Simpson et moi. « Chagrin est encore venu aujourd'hui ?»« Oui, monsieur. »« À quelle heure ?»« À 4 heures, monsieur. »« Mais c'est le comble de l'indiscrétion, pensais-je. » Si je prenais ce ton cavalier à l'égard de l'infatigable visiteuse, c'est que Miss Chagrin, j'en étais convaincu, était une personne excentrique. Pourquoi ne laissait-elle jamais sa carte? Pourquoi ne demandait-elle jamais à quelle heure elle pourrait me trouver? Elle avait sans doute quelques échantillons à m'offrir, fragments de sculptures, camées supposées antiques, etc. On me savait amateur de curiosité. Miss Chagrin aura entendu parler de ma nouvelle intitulée « L'or antique ou le dieu enfoui » et elle me prend pour un de ces ignorants qui s'en font à croire et n'en sont que plus faciles à duper. Son nom n'est rien moins qu'italien. Ce doit être une de mes âpres compatriotes, qui se sert de l'archéologie pour agripper quelques sous, si possible. Miss Chagrin vint 7 fois en 2 semaines sans me trouver. Un jour, je restais. Une pluie battante en était cause, ainsi qu'un léger doute sur le caractère de Miss Etheline. Jusqu'alors, elle m'avait semblé répondre de tout point à l'idéal que je m'étais formé d'elle, mais la veille au soir, une simple parole avait ébranlé tout l'échafaudage des qualités que je lui attribuais, et je restais sur la rive avec mon triste bagage de déception. Je ne me sentais pas en état d'écrire. Je pris un roman de Balzac, mon auteur favori. J'en avais déjà lu quelques pages quand Simpson frappa doucement à ma porte, entra et me dit avec l'ombre d'un sourire sur son visage fatigué, « Miss Chagrin ». J'envoyais Miss Chagrin à toutes les furies de l'enfer. Simpson attendait mes ordres, ne sachant trop où demeurent les furies. « Où est-elle ? » demandai-je brusquement. « Dans la galerie, monsieur. Je lui ai dit que j'allais voir si vous étiez chez vous. »« Elle doit être bien mouillée, » repris-je, « si elle n'est pas venue en voiture. »« Oh, elle n'est pas venue en voiture, monsieur. Elles viennent toujours à pied, et je crois qu'elles sont en effet un peu mouillées. »« Eh bien, faites-la entrer, mais ne m'amenez pas la personne qui l'accompagne. J'aime autant en finir cette fois-ci. » Je gardais mon livre à la main. Miss Chagrin aurait une audience, mais fort courte. On n'a pas droit à beaucoup d'égards quand on met une telle persistance à forcer une porte. Miss Chagrin était, ceci se voyait tout de suite, une femme comme il faut, mais assez laide, mal mise, et d'un âge plus que mûr. Je me levais, m'inclinant légèrement, puis je me renfonçais dans mon fauteuil, tenant toujours mon livre. « Mille chagrins ?» demandai-je en indiquant du regard un siège. « Oui, » répondit-elle, « mon nom est Chagrin. » Elle s'assit et je m'aperçus qu'elle avait à la main un petit carton. Il ne s'agissait donc pas de sculpture, mais sans doute de vieille guipure ayant appartenu à Tullia ou à Lucrèce Borgia. Elle gardait le silence, je dus prendre la parole. « Vous êtes venu, je crois, deux ou trois fois. Cette fois, c'est la huitième. Je suis souvent sorti, je puis même dire que je ne reste jamais chez moi, » ajoutai-je négligemment. « Oui, vous avez beaucoup d'amis. » « Qui achèteront peut-être de vieilles guipures, » dis-je à part moi. Et je me tus. Pourquoi me fatiguer à faire les frais de la conversation? Elle avait absolument voulu me voir. C'était à elle à expliquer le but de sa visite. Mais elle ne paraissait pas disposée à expliquer quoi que ce fût. Sa robe noire, toute trempée de pluie, semblait se retirer de sa maigre personne, tandis que sa maigre personne elle-même se retirait le plus possible de moi, de sa chaise, de tout, enfin. Ses yeux étaient baissés. Un vieux voile de dentelle noire à l'ancienne mode ombrageait son visage. Elle regardait le plancher, moi je la regardais. Je suppose que 5 minutes s'écoulèrent dans ce mutuel silence. Enfin, sans relever son voile, elle dit lentement « Vous êtes heureux. Vous avez des amis, de la santé, de la fortune, de la réputation. » Singulier préambule. La voix de Miss Chagrin, basse et vibrante, avait une étrange douceur tandis qu'elle énumérait ainsi un à un tous mes avantages. Je me sentais attiré par cette voix et en même temps rebuté par ses paroles, qui me semblaient tout à la fois flatteuses et déplacées. « Il est vrai que j'ai des amis, » lui dis-je, « mais... »« Je suis de vos amis, » répliqua Miss Chagrin. Et un moment après, elle ajouta lentement, « J'ai lu toutes vos œuvres. Pas une ligne ne m'en est inconnue. » Je froissai les pages de mon livre d'un air indifférent. « Et même, j'en sais beaucoup de passages par cœur. Je vais vous le prouver. » Elle se mit à l'instant même à me réciter mot par mot quelques fragments de mes ouvrages. J'écoutais, me promettant de l'interrompre au bout de quelques instants, mais j'écoutais toujours. Elle récitait admirablement. Le passage qu'elle débitait était suivi d'un certain dialogue qui m'était particulièrement cher, peut-être parce que le public ne l'avait pas beaucoup goûté, et m'avait paru n'en pas comprendre le caractère élevé. À mon sens, c'est ce que j'avais fait de mieux. Je me demandais comment Miss Chagrin allait s'en tirer. Arrivée là, elle parut se transformer. Elle dit avec calme et douceur quelques paroles prononcées d'abord par une femme gracieuse et paisible. Quand elle en vint aux répliques amères, ardentes, d'un homme irrité, sa voix changea subitement. Quoique le timbre en fût toujours harmonieux, elle prit les tons différents qu'exigeait la situation. Pas une intonation qui ne fût juste, pas une délicatesse de pensée, pas une nuance de sentiment, que le livre imprimé est impuissant à rendre, qui lui échappa. Elle s'assimilait ma propre pensée à un degré extraordinaire. Elle m'avait compris, mieux peut-être que je ne me comprenais moi-même. Cette sorte d'énigme psychologique que j'avais composée, Miss Chagrin me semblait la déchiffrer mieux que moi, sans toutefois rien ajouter à mes idées et à mes sentiments. La scène terminée, Miss Chagrin baissa de nouveau les yeux et secoua d'un mouvement nerveux le carton qu'elle tenait à la main. Les gants étaient noirs, ses mains petites. Malgré ma surprise et mon ravissement, ma mauvaise humeur persistait à la vue de ce carton qui devait contenir quelque objet à acheter. « Vous déclamez parfaitement, » dis-je avec une politesse un peu froide, et je suis très flatté d'une pareille interprétation de mes œuvres. Mais ce n'est pas à cela seulement que je dois votre visite. « Si, » reprit-elle en baissant encore les yeux, « c'est à cela, car si vous n'aviez pas écrit la scène que je viens de dire, je n'eusse jamais cherché à vous voir. Vos autres ouvrages sont des tableaux de genre, minutieusement étudiés, délicatement peints et finis avec soin. Mais il y a peu de fond. Cette scène-là est esquissée en tréhardi et de main de maître. C'est une œuvre, enfin, et d'une toute autre valeur, d'un tout autre mérite que ce que vous aviez fait jusque-là. Je me sentis quelque peu piqué. Vous m'avez montré trop de bienveillance pour que je ne me considère pas comme votre débiteur, dis-je d'un ton un peu protecteur. Je voudrais trouver une occasion de vous être utile. Peut-être avez-vous dans ce carton s'était brusqué le dénouement, je crus avoir deviné juste car elle me répondit « Oui ». Je souris, ses yeux étaient fixés à terre, elle ne vit pas ce sourire. « Ce que j'ai dans ce carton est un manuscrit, » dit-elle au bout d'un nouveau silence. « C'est un drame. J'ai pensé que vous voudriez bien le lire. » « Une femme auteur. Ah, c'est bien pire que de la vieille guipure. » Je repris tout haut. « Mon opinion ne vous sera d'aucune utilité. »« Comme argent, non, c'est vrai, » répliqua Miss Chagrin. « Mais comme appui, peut-être. » Sa voix s'éteignit dans un faible murmure. Au dehors, la pluie tombait à torrents. Miss Chagrin avait l'aspect le plus lamentable avec son carton sur ses genoux. « Je n'aurai pas le temps en ce moment, » hasardai-je. Elle leva les yeux sur moi, me regarda d'un air pénétrant, puis se levant tout à coup, elle vint se placer près de mon fauteuil et, mettant sa main sur mon bras, « Si, vous le lirez, » dit-elle. « Regardez ce salon, regardez-vous, regardez tout ce que vous possédez, puis regardez-moi et ayez pitié. » Elle tenait toujours mon bras, sa robe mouillée frôlait mes genoux, ses grands yeux noirs me regardaient avec une étrange fixité. « Je ne ressens aucune honte à vous prier de le lire. Pourquoi en ressentirais-je? C'est mon dernier effort, ma dernière tentative. Je la fais avec calme, après mûre réflexion. Si vous refusez, je m'en irai convaincu que c'est la volonté du destin, et je ne me plaindrai pas. » Elle est folle, pensais-je. Et pourtant, elle n'en avait pas l'air. Elle parlait tranquillement et avec une grande distinction. « Asseyez-vous, » dis-je en m'éloignant de quelques pas. Je me sentais comme magnétisé par ses yeux si profonds et si rapprochés de moi. Je lui avançai un fauteuil. « Non, pas avant que vous ne m'ayez promis. Très bien, je promets. Asseyez-vous. » Je lui pris le bras et, en la conduisant à son fauteuil, je m'aperçus qu'elle tremblait, bien que son visage restât impassible. « Vous ne demandez pas que je lise votre manuscrit tout de suite ? » repris-je en temporisant. « Il vaut mieux me le laisser. Donnez-moi votre adresse et je vous le renverrai en vous exprimant mon opinion par écrit. » Cependant, je vous le répète, cette opinion ne peut vous servir en rien. C'est l'opinion d'un éditeur qu'il vous faudrait, comme il vous plaira. Je m'en irai dans un instant, reprit Miss Chagrin, serrant ses mains l'une contre l'autre, pour essayer de maîtriser le tremblement nerveux qui s'était emparé de son pauvre corps si frêle. Elle était si pâle que je pensais lui offrir un peu de vieux vin, puis je me dis que trop d'avance l'engagerait à revenir avec d'autres manuscrits, ce que je voulais par-dessus tout éviter. Elle se leva tandis que ses pensées me traversaient l'esprit. Son carton gisait sur le fauteuil qu'elle venait d'occuper. Elle le prit, écrivit une adresse sur la couverture, puis, s'inclinant avec un air un peu cérémonieux, elle ramena son châle noir sur ses épaules et se dirigea vers la porte. Je la suivis. « Vous entendrez sous peu parler de moi. Je vous écrirai, » dis-je. Simpson ouvrit la porte et j'aperçus la servante qui attendait dans l'antichambre. C'était une femme âgée, plus petite et plus maigre encore que sa maîtresse, et comme elle, habillée tout en noir. Ses yeux bleus fatigués tournèrent vers moi un regard craintif. Simpson laissa retomber le velours de la portière et me repoussa presque dans le salon, avec l'intention évidente de m'empêcher de reconduire plus loin la visiteuse. Mais je me plaçai dans une embrasure de fenêtre, et je vis sortir les deux femmes marchant côte à côte. La maîtresse étant un peu plus grande et sa compagne tenant le parapluie, sans doute la différence de rang s'effaçait entre personnes si pauvres et si abandonnées. Ce jour-là, j'étais invité à une soirée où j'étais sûr de rencontrer Miss Abercrombie. Je m'étais dit que je n'irais pas. Je me mis à mon bureau avec la résolution formelle de passer quelques heures seul avec moi-même. Mais je ne réussissais pas à trouver le calme que je cherchais, si bien qu'en fin de compte, je me rendis à cette réunion, et comme châtiment de ma faiblesse, je suppose, j'y passais les heures les plus désagréables. En revenant, je me sentais aussi agacé, aussi maussade qu'on peut l'être avec du brouillard au dehors et du brouillard au dedans. Quelles étaient réellement les qualités d'Ethelind? Je n'avais plus la force de chercher à le savoir. Et puis, il faut bien l'avouer, il y avait là un certain jeune Anglais qui me donnait fort à réfléchir. Trop agité pour songer à dormir, je me promenais de long en large dans mon appartement. Mes regards tombèrent sur le carton de Miss Chagrin. Je le pris. L'adresse écrite sur la couverture prouvait que ma visiteuse était venue de loin pour me voir. Son nom me frappa de nouveau. « Oh oui, » me disais-je, « elle représente bien le chagrin. Je crois que c'est elle qui est la cause de tous mes ennuis. Elle a le mauvais œil. » Le manuscrit avait la forme d'un petit livre. L'écriture était très lisible. Sur la première page, ce titre, l'armure, et au-dessous, un casque, un bouclier, une cuirasse dessinée à la plume. « L'armure est utile au chagrin, me disais-je, assis devant mon bureau et tournant machinalement les pages. « Allons, du courage. Autant le lire aujourd'hui qu'un autre jour. Je ne serai jamais de plus méchante humeur. » Et je commençai la lecture. Le lendemain, Simpson portait à mes chagrins un billet de moi et revenait avec la réponse suivante. « Non, je préfère venir chez vous à 4 heures. » Ces mots tracés au crayon sur un morceau de papier grossier étaient d'une écriture aussi lisible, aussi élégante que celle du manuscrit. « Quelle sorte de logement habite-t-elle, Simpson ?»« Très pauvre, monsieur. Mais je ne suis pas monté. La plus âgée des deux est descendue et, me prenant le billet des mains, m'a prié d'attendre en bas. » « Vous n'avez pas de bonheur dans vos découvertes, Simpson, » repris-je, sachant fort bien, au contraire, qu'il devait avoir battu le voisinage pour recueillir des renseignements sur les deux pauvres locataires. « Vous savez, monsieur, » dit alors Simpson avec sa prudence ordinaire, « que les gens ne parlent guère que s'ils voient qu'on tient à savoir les choses. Le peu que j'ai appris est que ces deux personnes ne sont ici que depuis quelques semaines. Elles vivent fort retirées et fort isolées. Elles sont très silencieuses. » Et les voisins les appellent les madones américaines, maigres et muettes. À 4 heures précises, les madones américaines arrivèrent. Il pleuvait encore et, comme toujours, elles vinrent à pied sous leur vieux parapluie. La servante attendit dans l'antichambre et Miss Chagrin fut introduite dans le petit salon qui me servait de bibliothèque. Je me figurais depuis la veille que je l'aborderais avec grand respect, mais son air, plus lamentable que jamais, changea ma déférence en pitié. C'était la femme pauvre, si frêle, si isolée, qui m'impressionnait plus encore que l'écrivain d'Horace. Une partie de ma nuit s'était passée à lire son drame. Il était plein de passion et de poésie. Je me sentais ému autant que troublé par l'originalité puissante qui s'y révélait. J'étais pris d'un enthousiasme dont je ne me croyais plus capable. Auteur moi-même et critique de profession, comment n'étais-je pas plus sensible aux défauts de cet ouvrage, presque aussi nombreux que ses beautés? Mais les éclairs de génie qui brillaient dans ce drame m'avaient ébloui. À la réflexion, cependant, je reconnus la nécessité de quelques changements. Je souhaitais que l'auteur y consentît. Ce désir venait d'un bon sentiment qui ne m'était pas habituel. Jusqu'alors, à l'égard des auteurs malheureux, ma devise avait été « Vae victis ». Miss Chagrin prit un siège et croisa les mains. Je crus voir, en dépit de son calme apparent, qu'elle pouvait à peine respirer. Il m'était vraiment pénible de voir ainsi trembler devant moi une femme plus âgée que moi, une femme qui avait ce don du ciel que malgré tous mes succès, je n'étais pas bien sûr de posséder moi-même, une femme qui aurait dû prendre ma place dans la carrière du succès, tant à certains égards elle m'était supérieure par le talent et devant qui j'aurais dû plier le genou. Mais on ne tombe pas au genou d'une femme de 50 ans, laide, maigre, mal faite et mal habillée. Je me contentais de lui prendre les mains, couverte de ses horribles vieux gants, et de lui dire cordialement « Miss Chagrin, votre drame est d'une puissante originalité. Il m'a enthousiasmé. J'ai passé la nuit à le lire. » Ses mains que je tenais tremblèrent. Je les serrai de nouveau comme pour attester la sincérité de mes paroles, que j'appuyai d'un sourire encourageant. Miss Chagrin me regarda un instant, et tout à coup des larmes coulèrent le long de ses joues. Je ne me l'étais pas représenté versant des pleurs. Penchée sur le bras du fauteuil, la tête appuyée sur sa main, tout son corps était ébranlé par la force de l'émotion. J'appelais pour demander un peu de bon vin. Je la suppliais de le prendre. Je ne savais que faire. Enfin, me mettant à sa place, je me dis que les louanges seraient le meilleur réconfortant, et je ne m'en fis pas faute. Et jamais je ne déversai tant d'adjectifs qualificatifs. Miss Chagrin leva la tête et s'essuya les yeux. « Prenez un peu de ce vin, » lui dis-je, interrompant le flot de mes éloges. Grâce à l'action bienfaisante des paroles louangeuses, grâce aussi peut-être à celle de mon vieux vin, Miss Chagrin parut reprendre ses forces. Ce n'était pas qu'elle eût l'air radieux, mais la chaleur vitale lui revenait. Après avoir reposé son verre à moitié vide, elle resta la main appuyée sur le bras capitonné du fauteuil avec un air de complète satisfaction. « Excusez mes larmes, » dit-elle en souriant, « c'est la réaction de sentiments si longtemps contenus. Ma vie a été une longue lutte. Un jugement hostile de votre part m'eût donné le coup mortel. « Oh ! » m'écriai-je, saisi d'effroi. « Peu importe, d'ailleurs. Qu'est-ce que cette pauvre enveloppe de poussière, si fatiguée? Mais vous ne pouvez comprendre cela, vous. Le point de vue des heureux de ce monde et celui des désespérés sont si différents. Quittons ce sujet, parlons de mon drame. » En prononçant ce mot, drame, l'éclat du triomphe brillait dans ses yeux. Je pris le manuscrit et, m'asseyant près d'elle, « Je présume que vous n'ignorez pas qu'il s'y trouve quelque faute à côté de ces grandes beautés. » J'attendais un signe d'assentiment. « Je ne m'en doutais pas, » répondit-elle simplement. « Comment ? » ?»« Après tout l'intérêt que je lui avais témoigné, c'est ainsi qu'elle accueillait mon premier conseil. Heureusement, j'avais une foi trop sincère dans son génie pour m'arrêter à ses bizarreries. » Je poursuivis. « Voulez-vous que nous relisions votre drame ensemble ? Voulez-vous le lire vous-même ? » « Je ne veux pas le lire, mais le déclamer. »« Non, cela ne se peut. Vous déclamez trop bien. Nous ne verrions que les beautés, et ce qu'il faut que nous voyions, ce sont les côtés faibles. »« Je le déclamerai, » reprit-elle. « Voyons, Miss Chagrin, quel était votre but en venant ici ? Ne veniez-vous que pour me réciter des vers ? Je ne suis pas un directeur de théâtre. En bon anglais, vous espériez que je vous aiderais à trouver un éditeur ?»« Oui, oui, » répondit-elle avec le même air craintif qu'elle avait lors de notre première entrevue. Je profitai de cet aveu pour commencer à lire. Ligne par ligne, je fis ressortir les fautes, les impropriétés de style, les invraisemblances dans les détails de l'action. Vous vous êtes trop absorbé dans l'idée générale pour vous apercevoir de ces tâches qu'il serait sans doute facile d'effacer, ajoutai-je pour adoucir l'effet de mes critiques. Mais à ma grande surprise, Miss Chagrin ne semblait absolument rien comprendre, rien accepter de tout ce que je lui disais. Un tel aveuglement me poussait à bout. J'appuyai avec plus de précision encore sur le sens de mes remarques. Je luttai laborieusement contre son obstination. Était-ce bien de l'obstination, ou tout simplement ne voyait-elle pas plus les défauts de son œuvre que l'aveugle ne voit la fumée qui obscurcit le ciel bleu? Quand j'eus fini ma pénible tâche, Miss Chagrin resta aussi impassible que si je n'eusse rien dit du tout. Je retombai, épuisé, dans mon fauteuil. Tout à coup, elle sembla sortir d'un rêve et murmura « C'est le ciel qui s'entr'ouvre quand je vous entends dire que vous aimez mon drame. À présent, je vais le réciter. » J'étais trop là pour m'y opposer. Elle jeta de côté son châle et son chapeau, et se plaçant debout au milieu de la chambre, elle commença. Et je fus entraîné. Tous les passages remarquables le devenaient plus encore en passant par cette voix douce et vibrante, et les défauts disparaissaient. Lorsqu'elle eut fini, elle me regarda avec un sourire triomphant. « Oui, lui dis-je, j'aime votre œuvre, et vous le voyez bien. Mais je l'aime surtout parce qu'elle satisfait mon goût personnel. L'originalité, la puissance du talent, pour moi, tout est là. Peut-être parce que je sens que je n'en suis pas doué à un très haut degré. Mais le public n'aura pas, en faveur de ses dons supérieurs, la même indulgence que moi pour certaines fautes de composition. » Voulez-vous me confier votre manuscrit et me permettre d'y faire quelques retouches ? Jamais je n'avais proposé à personne chose semblable. Je m'étonnais moi-même. « Non, » dit-elle de sa voix charmante et en souriant, « il ne doit pas y avoir un iota de changé. » Puis elle s'assit et tomba dans une rêverie profonde, tout comme si elle eût été seule. « Avez-vous écrit autre chose ? » lui demandai-je au bout de quelques minutes. « Oui. Pourrais-je en prendre connaissance ? Tout ce que vous voudrez. » « J'irai chez vous chercher vos manuscrits. »« Non, ne venez pas, » dit-elle redevenant tout à coup nerveuse. « Je préfère venir chez vous. » À ce moment, Simpson entra pour apporter de la lumière et sortit sans se hâter. Je m'aperçus que mes chagrins étaient retombés dans sa tristesse habituelle. La présence d'un tiers semblait l'avoir glacée. « Quand m'avez-vous dit de venir ? » repris-je comme si je n'avais pas entendu son refus. « Je ne vous ai pas dit de venir. C'est impossible, » répondit-elle. « Eh bien, alors quand reviendrez-vous ? » Il y avait, je le crains, quelques traces de fatigue dans le son de ma voix. « Quand il vous plaira, monsieur. » Mes chagrins dit ces mots avec son humilité ordinaire. Mes sentiments chevaleresques se réveillèrent subitement. Cette humilité me touchait. Après tout, c'était une femme. « Venez demain, mes chagrins. Mais pourquoi ne viendriez-vous pas dîner avec moi ? » J'ai été fort curieux d'entendre sa réponse. « J'accepte, pourquoi pas ? J'ai 43 ans, je pourrais être votre mère. » Ceci était exagéré, car j'avais 30 ans. Mais j'ai l'air jeune, tandis que j'aurais donné à mes chagrins plus de 50 ans. « Il me serait difficile de vous appeler mère, mais nous ferons compromis, » dis-je en riant, je vous appellerai tante. Tante comment ? Mon nom de baptême est Arona, dit-elle gravement. Mon père, très désappointé à ma naissance de n'avoir pas un garçon, me donna le nom qu'il avait destiné à son fils. D'Aaron, il a fait Arona. Eh bien, c'est convenu. Vous viendrez demain dîner avec moi, et vous m'apporterez vos manuscrits, tante Arona, repris-je amusé par ce nom bizarre. Je viendrai. Il faisait presque nuit. La pluie tombait toujours. Cependant, Miss Chagrin refusa toute offre de la faire amener en voiture, et elle partit avec sa petite servante, tout comme elle était venue sous son vieux parapluie. Le lendemain, Simpson parut très étonné, plus qu'étonné, affligé, en apprenant qu'il dînerait à l'office avec la vieille servante de Miss Chagrin. Mais il n'osa pas se plaindre tout haut, car ma convive n'était pas beaucoup plus séduisante que la sienne. Je ne pus m'empêcher de rire en voyant les deux petites tables placées l'une dans la salle à manger, l'autre dans l'office, et Simpson d'un air fort maussade, allant de l'une à l'autre pour mettre le couvert. J'accueillis mon invité avec une gaieté cordiale. Par bonheur, elle n'avait pas l'air triste qui lui était habituel. J'avais pensé que pour la circonstance, elle changerait quelque chose à son costume, n'ayant connu jusqu'alors qu'une femme qui n'eût un petit brin de coquetterie en réserve pour quelque occasion inespérée. Mais non, Miss Chagrin portait sa même robe noire, sans le moindre ornement. Grâce au ciel, il n'avait pas plu ce jour-là. Les bords de sa pauvre jupe noire n'étaient pas mouillés. Elle mangea tranquillement, presque furtivement, mais de bon appétit, et elle ne refusa pas mon vieux vin. Quand nous sortîmes de table, je lui demandai ses nouveaux manuscrits. Elle me remit un vieux cahier vert contenant de courtes poésies et un roman en prose. Je me mis à mon bureau pour parcourir ses pages. « Peut-être accepteriez-vous un cigare ? » dis-je plutôt par plaisanterie, car rien en Miss Chagrin ne sentait la vie de bohème. Tout son extérieur avait, au contraire, quelque chose de puritain. Je n'ai jamais réussi à pouvoir fumer. « Vous avez essayé ? » m'écriai-je en me tournant vers elle. « Oui, Serena et moi, nous avons essayé, mais nous n'avons pas pu. » « Serena, c'est votre servante ?»« Elle demeure avec moi, » répondit-elle simplement. Je me plongeai dans la lecture du manuscrit en tournant le dos à Miss Chagrin, afin de dissimuler une envie de rire. Je me représentais ces deux pauvres solitaires s'exerçant à fumer dans leur chambre soigneusement fermée. Mais mon attention fut bientôt absorbée par ma lecture. Quel fantastique assemblage de mots étranges, d'épithètes outrées. Jamais je n'eusse imaginé, même en rêve, rien de pareil. Ça et là, des lueurs étincelantes comme les feux des diamants, mais que de faute, qu'un esprit malin semblait s'être donné le plaisir d'y mêler. On aurait dit un écrin plein d'anneaux brisés, dont les cercles ne pouvaient se rejoindre, de bracelets trop larges ou trop étroits pour des poignets humains, de colliers de perles désenfilés. Je tournais les pages, tout à la fois émerveillé et désappointé. En levant la tête pour allumer un cigare, je regardais Miss Chagrin assise devant le feu sur un fauteuil à dossier renversé. Elle était profondément endormie. Ce sommeil me permit d'examiner plus attentivement les détails de son pauvre costume. Sa pose un peu abandonnée laissait à découvert des souliers terriblement usés qu'elle dissimulait d'ordinaire sous les plis de sa robe noire. Après cet examen, je me mis à lire le roman en prose. Ce devait être plus raisonnable. Voici quel en était le sujet. Un homme vulgaire et de mœurs dissolues est obligé par deux de ses amis à laisser croire à une jeune fille qu'il aime qu'il est digne de cet amour. Celle-ci, très romanesque et très délicate, mourrait si elle était détrompée. Ce triste héros a une belle figure, une voix séduisante, et il répète ce qu'on le force de dire. La mort lente et heureuse de la jeune fille, l'ennui profond que ressent cet homme vulgaire lassé du rôle qu'on lui fait jouer, forme l'intrigue. Tout ceci se développait fort bien. Mais le défaut capital, c'était le rôle d'un docteur au cœur sensible qui devenait meurtrier par philanthropie. Ce personnage m'était odieux. Je jetai le livre et j'attendis patiemment le réveil de Miss Chagrin. Son mince profil se détachait sur le velours bleu du fauteuil. Il semblait qu'elle sentît mon regard, car elle tressaillit, puis ouvrit les yeux. « Je me suis endormie, » dit-elle en se levant précipitamment. « Il n'y a aucun mal à cela, tante Arona. » Mais elle avait l'air si embarrassée, plus embarrassé même que de raison, que je crus devoir remettre la conversation sur ses manuscrits comme diversion à son trouble. « Je ne puis souffrir votre docteur. Aucun éditeur ne l'acceptera. Il faut le supprimer. » Miss Chagrin reprit, comme par magie, pleine possession d'elle-même. « Le supprimer ? Certainement non, » dit-elle d'un air hautain. « Oh, si le sort de votre nouvelle vous importe peu, c'est différent. J'avais supposé que vous désiriez trouver un éditeur. » Oui, oui, je le désire beaucoup. » Et subitement, son accent impérieux fit place à un air de profonde humilité, de telles variations de sentiments et de langage qui ressemblaient au remous des vagues devaient l'user terriblement, et il n'était pas surprenant qu'elle fût vieillie avant le temps. « Si vous voulez trouver un libraire, il faut supprimer ce docteur. »« Je le voudrais bien, mais je ne le puis, » répliqua-t-elle en serrant ses mains l'une dans l'autre comme une personne désespérée. « Dans mon idée, il fait tellement corps avec le roman qu'on ne peut l'en distraire. » Simpson entra, m'apportant une lettre. C'était quelques lignes de Miss Abercrombie m'invitant à une petite réunion improvisée et, par cette raison même, d'autant plus attrayante. Mon cœur bondit malgré moi. J'oublie un instant mes chagrins et ses manuscrits. Je fus rappelé brusquement à la réalité par cette phrase prononcée par elle. « Ce sont de bonnes nouvelles qui vous arrivent ?»« Oh, rien de particulier, tout simplement une invitation. »« Enfin, ce sont de bonnes nouvelles. Quant à moi, il faut que je parte. » Ne supposant pas qu'en tout cas elle dût rester plus longtemps, j'avais commandé une voiture pour cette heure-là à peu près. Je le lui dis. Elle ne répliqua rien et prit immédiatement son châle et son chapeau. « Vous entendrez bientôt parler de moi, » dis-je. « Je ferai tout mon possible pour vous être utile. » Avant d'ouvrir la porte, elle s'arrêta, se retourna et me tendant la main. « Vous êtes bon, » dit-elle. « Je vous remercie. Ne me croyez ni ingrate ni envieuse. Ah, la différence entre nous est grande. Vous êtes jeune et moi, si vieille, si vieille. » Elle passa rapidement dans l'antichambre. Sa petite servante la suivit. Simpson les accompagnait. Elle partit, je m'habillai en toute hâte et allai continuer auprès de Miss Abercrombie mes études psychologiques. Ni ses études psychologiques, genre d'occupation qui a parfois bien des attraits, ni mes affaires et mes travaux personnels, ni le temps qui passait, ne me firent oublier mes engagements envers Miss Chagrin. J'envoyai d'abord son roman à un de mes amis, directeur d'une revue littéraire, et j'accompagnais le manuscrit d'une chaude recommandation. Puis j'adressai le drame à un libraire que je savais bien disposé pour les œuvres d'imagination et capable de sacrifier au goût des choses élevées. Ses coffres vides en témoignaient à ses dépens. Ceci fait, j'eus la conscience tranquille. 4 semaines se passèrent. Durant cette période d'attente, je n'entendis pas parler de Miss Chagrin. Enfin, un matin, arriva une lettre du directeur. « Le roman a un vrai mérite, mais je ne puis souffrir ce docteur. Qu'elle le supprime et j'accepte le manuscrit. » Il était du même avis que moi. Le pauvre cahier gisait de nouveau sur mon bureau, usé par ses voyages et tout chiffonné. Un manuscrit refusé est la chose du monde la plus mélancolique. Je pris le parti d'attendre, avant d'écrire à Miss Chagrin, la réponse du libraire. Une semaine plus tard, le drame L'Armure était refusé. Le libraire avait été frappé du talent déployé dans certaines parties, mais les invraisemblances rendaient cette œuvre impossible à faire accepter par le public. D'ailleurs, ce bon public voulait avant tout être amusé. Amusé, c'était le principal. Bref, le libraire retournait le manuscrit. Je suis un peu obstiné. Je m'étais mis dans la tête que l'œuvre de Miss Chagrin serait publiée. Eh bien, soit. Les changements demandés, je les ferai moi-même. J'ai du tact, de la finesse, un goût sûr. Je me mis à la besogne. Et j'échouais complètement. Je commençais par L'Armure. Je retouchais, je retranchais, je rétablis, je raccordais, je raccourcis, je rallongeais. Je fis de mon mieux, et ce que je fis ne valut rien. Je n'arrivai à rien qui me satisfît ou qui approcha de l'œuvre de Miss Chagrin, même avec ses défauts. Je me remis 100 fois à ce manuscrit. Je couvris de mes essais des rames de papier. Ce drame entêté résistait opiniâtrement. Tel qu'il était, il devait être, ou n'être plus. Là, ennuyé, je le jetai de côté et je pris le roman. « Ce sera plus aisé, » pensais-je. Mais à ma grande surprise, cet aimable docteur tint bon. Il ne se laissait pas y conduire. Il était si étroitement mêlé à la trame du récit qu'on ne pouvait pas plus l'en extraire qu'enlever d'un tapis les dessins tissés dans l'étoffe. Tout cela me prit du temps et, d'autre part, mes propres travaux et mes devoirs de société m'en demandaient beaucoup. J'ai dû renoncer. Ou bien mes capacités n'étaient pas à la hauteur de la tâche, ou bien les défauts de mes chagrins étaient inséparables de ses qualités. Je montrai quelques-unes de ses poésies à Ethelind. « Elles sont d'une femme, » lui dis-je sans autre éclaircissement. « Pauvre femme, elle doit avoir l'esprit troublé, » me dit Ethelind en me rendant avec sa grâce accoutumée les poésies de mes chagrins. « C'est d'un talent très inégal et d'un vague. » Ah, ses pensées étaient encore plus vastes que vagues. mais je sentis que jamais Atheline ne parviendrait à les comprendre. Et je crois que je l'aimais mieux ainsi. Non que les poésies de ma pauvre protégée blessassent sans rien la morale, mais étaient d'une exaltation sans limite, comme les cieux et la mer. Etheline, elle, ressemblait à une violette dans un jardin bien cultivé et bien abrité, et elle me charmait telle qu'elle était. Dans une de mes promenades, je rencontrai la vieille petite servante. J'étais en voiture. Elle se rangea pour laisser passer le cheval. Je la reconnus tout de suite à son air malheureux. Je fis signe au cocher d'arrêter. « Comment se portent mes chagrins ? Je voulais lui écrire tous ces jours derniers. »« Votre lettre, c'est l'arrive, » répondit la vieille d'un ton farouche. « Arrivera trop tard. Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'elle ne lira plus votre lettre. Je vois bien votre mine que vous n'avez pas de bonnes nouvelles à lui donner, et vous ne la torturerez plus tant que j'aurai quelque autorité sur elle. »« Qui donc a torturé mes chagrins ? Dites-le, Serena. »« Serena ? Ne m'appelez pas Serena. Je ne suis pas Serena pour vous. Je suis la tante d'Arona. » Quant à ceux qui l'ont torturée et qui la tueront, je vais vous le dire, c'est vous autres, hommes de lettres. » La vieille femme avança son visage ridé dans la voiture en me jetant ces mots comme une malédiction. « Mais Arona mourra en paix, en dépit de vous tous, vampires qui suçaient ses idées pour vous en engraisser, en la laissant mourir de faim. Vous ne direz pas non, vous qui avez gardé des mois et des mois ces pauvres manuscrits. Est-elle malade ? Dis-je avec une véritable inquiétude. Elle est mourante. » Reprit la vieille dont la voix baissa tout à coup tandis que des larmes jaillissaient de ses yeux fatigués. « Oh, j'espère qu'on pourra la sauver. Dites-moi, puis-je vous aider en quelque chose ?»« Oui, vous pouvez nous aider de toutes les façons, et si vous le voulez. » répondit la pauvre vieille éclatant en sanglots, la tête appuyée sur la portière de la voiture. « Oh, que nous avons souffert toutes deux. J'ai tout vendu, pièce à pièce. » Voir cette femme âgée sanglotant à la portière de ma voiture m'était trop pénible. Je l'engageai à monter près de moi et à me conduire à leur demeure. La vieille robe noire, si usée, prit place sur les coussins de ma calèche, et je donnai ordre au cocher de nous mener à l'adresse indiquée, dans un des quartiers les plus populeux et les plus pauvres de la ville, véritable asile de la misère. Là, dans une triste chambre aux murs nus et située tout en haut d'un escalier interminable, je trouvai Miss Chagrin. Je fus terrifié. Je la crus morte. Sur son visage, on ne voyait plus une étincelle de vie. Enfin, elle ouvrit les yeux et les laissa vaguement errer sur nous comme si elle ne reconnaissait rien. Mais lorsque je m'approchais, une lueur soudaine brilla dans son regard. La vie parut revenir dans ce miroir de l'âme. Jamais je n'éprouvais émotion plus forte. « Vous avez de bonnes nouvelles du drame, » murmura-t-elle tandis que je me penchais sur son lit. « Je sais que vous avez de bonnes nouvelles. » Que devais-je répondre ? Qu'auriez-vous répondu à ma place ? « Oui, j'ai de bonnes nouvelles, Arona. Le drame paraîtra. » Elle sourit. Son regard reprit de l'éclat et resta fixé sur moi. « Il sait que je suis votre tante. Je le lui ai dit, » murmura la vieille Serena. « Ah, vous le lui avez dit ? » répéta à voix basse Miss Chagrin. « Eh bien, je vous en prie, chère tante Serena, donnez-moi quelque chose à manger. » La tante se précipita à travers la chambre. Je la suivis. « C'est la première fois depuis bien des jours qu'elle me demande à manger. » dit-elle d'un ton saccadé. Elle ouvrit un buffet, il était vide. « Qu'avez-vous à lui donner ? » demandai-je tout bas. « Hélas, rien. J'allais justement chercher quelque chose lorsque vous m'avez rencontré. » Et la pauvre vieille cachait sa réponse et ses larmes derrière le battant de l'armoire. « Est-ce de l'argent qu'il vous faut ? Prenez ceci. Envoyez au plus vite, ou allez-y vous-même, avec la voiture qui est en bas. » Elle se précipita dans l'escalier et je restai près du lit. Fort secoué par tout ce que je venais de voir et d'entendre. Mais les yeux de Miss Chagrin étaient encore pleins de vie, et lorsque je m'assis près d'elle, elle me dit gravement « Maintenant, contez-moi ce qui s'est passé. » Et j'inventai tout un roman pour la circonstance. J'ose dire qu'aucun de ceux que j'écris n'est aussi bien combiné que le fut celui-là. Quant au mensonge qui s'y trouvait enveloppé, il comptera, j'en suis sûr, parmi mes quelques bonnes actions au jugement dernier. Et que Miss Chagrin était contente. « Je n'ai jamais su jusqu'à présent, » dit-elle à voix basse, « ce que c'est que de se trouver complètement heureuse. » Elle ferma les yeux, et quand ses paupières s'abaissèrent, je crus qu'elle expirait. Mais non, une faible pulsation était encore perceptible à son mince poignet. Je lui tenais la main, elle s'en aperçut. « Oui, je suis heureuse, » dit-elle encore d'une voix à peine intelligible. La vieille tante revint et prépara quelques aliments. Miss Chagrin y goûta. Moi-même, je sortis pour aller chercher de vieux vins, le meilleur que je puisse trouver. À mon retour, Miss Chagrin me parut un peu mieux. Je n'osais pourtant pas la quitter pour rentrer chez moi. Ses yeux, qui me regardaient fixement, m'engageaient à rester. Ma conscience m'y engageait aussi. La nuit était froide. Je fis faire du feu. Des flacons de vin, des fruits, des fleurs, des lumières donnaient à cette chambre désolée tout à l'heure un aspect presque riant. La tante Serena s'affaissa sur une chaise, brisée par ses longues veilles. Miss Chagrin restait éveillée et moi je m'assis près d'elle. « Je vous fais mon exécuteur testamentaire, » dit-elle tout bas, « pour tout ce qui concerne mon drame. Quant à mes autres manuscrits, placez-les, lorsque je ne serai plus, sous ma tête afin qu'ils soient enterrés avec moi sans être lus. » Plus tard, elle murmura, « Vous avez dû être bien étonné de me voir venir chez vous. C'était le contraste qui m'attirait. Vous, riche, jeune, adulé, aimé, célèbre, tout ce que je n'étais pas. J'avais besoin de vous voir, de me rendre compte. Vous aviez le succès. Moi, j'avais plus de génie que vous. Est-ce vrai? Dites-le-moi. » C'est vrai, Arona. Ah, tout cela, c'est du passé maintenant. Je suis contente. » Après un solennel silence, elle reprit avec un faible sourire. Vous souvenez-vous du jour où je me suis endormie dans votre salon? C'est la faute de notre dîner trop succulent, trop abondant. J'étais si peu habituée à de tels repas. Je lui pris les mains, je les pressais. Ma conscience me faisait tant de reproches. Et le cigare? Continua-t-elle. « Vous rappelez-vous comme vous avez ri? Je l'ai bien vu, mais j'avais entendu dire que fumer trompe la faim, qu'on est parfois rassasié par un cigare. » Tout en laissant de temps à autre échapper quelques phrases entrecoupées par de longs silences, la pauvre Miss Chagrin passa la nuit. Elle me dit encore, tandis que sa tante dormait, « Aidez-la à retourner dans son pays, en Amérique. Je n'aurais jamais dû le lui faire quitter. Le drame paiera le voyage. » Je le lui promis. Elle se tut. Ses yeux brillaient toujours. Ce furent, je crois, ses dernières paroles. Vers le matin, ses traits changèrent effroyablement, et au soleil levant, sa vieille tante agenouillée près d'elle, Miss Chagrin s'éteignit. Tout fut arrangé comme elle l'avait désiré. Ses manuscrits, couverts de violettes, lui servirent d'oreiller. Personne ne la suivit au cimetière, sauf sa tante et moi. Son nom, Arona Chagrin, et son âge, 43 ans, furent gravés sur la plaque de son cercueil. Ce fut tout. Je n'ai jamais rien su de plus sur sa vie et ne cherchais jamais à rien en savoir. Et le drame? Je le garde dans un tiroir fermé. J'aurais pu le publier à mes frais. Mais je pense que, dans le monde où elle est maintenant, Arona s'est rendu compte des défauts de son œuvre et ne souhaiterait plus de la voir paraître. Je la garde. Je la relis de temps en temps, non pas précisément comme un memento mori, mais plutôt pour me rappeler par contraste mon heureuse destinée, dont je continue à remercier le ciel. Faute d'un seul grain, de bon sens peut-être, l'œuvre d'Arona est restée stérile. Ce grain m'a été accordé. Elle, avec un vrai génie, a échoué. Moi, j'ai réussi. Mais si je m'en félicite, je ne m'en glorifie pas. Quand je mourrai, le drame L'Armure mourra sans doute avec moi. Ethelinde elle-même ne le lira pas. Les femmes se comprennent rarement entre elles, et quelque chère que me soit ma douce Ethelinde, il me serait triste de penser que ces critiques atteindraient la mémoire de ma pauvre Miss Chagrin, morte incomprise et inacceptée. C'est ainsi que s'achève Miss Chagrin de Constance Fenimore Wilson.